بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اليوم ندخل في الحديث 88 كتمانتشيم حديث من باب الصلاة وكتاب الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن نبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لو صلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لي بقلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد شيخهم هو أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن السلمة الجرمي. نص الحديث نوع أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري. Il a dit que Malik ibn Huwayrith, qui est un sahabi, est venu dans notre masjid. Et il a dit: je vais faire pour vous la salat, tout en sachant que je ne veux pas faire la salat en soi, mais je veux faire la salat pour vous montrer comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissait. Et donc là, j'ai dit à Abu Qilabah: comment est-ce qu'il faisait la salat? Il a dit: comme la salat de votre cheikh que voici. Et c'est-à-dire qu'il faisait une assise, une légère assise, au moment où il relevait sa tête de la prosternation avant qu'il ne se relève. Et il voulait, par, en ce qu'il a dit, votre cheikh que voici, il voulait Abu Yazid Amr ibn Salama al-Jurmi. Taïb. Donc le rawi, le rapporteur du hadith, c'est Abu Qilaba, Abdullah ibn Yazid, ibn Amr, al-Jurmi al-Basri, rahimahullah ta'ala. C'est lui le rapporteur du hadith. Et c'est un tabi'in, fiqan, fadil, salih. Il était fiable, de mérite, et un homme pieux. Tufiya fi sham, haliban al-qada, sanat arba' wa sab' wa miya. Et qu'il est mort au Sham, c'est ce qu'on appelle la Grande Syrie aujourd'hui, en fuyant du poste de juge. Et cela en l'an 104 ou 107. Non, car les salafs fuyaient ce genre de fonction, car celles-ci sont très éprouvantes. Elles sont très éprouvantes et très dures à appliquer, et dont nos grosses responsabilités, et surtout également qu'elles détournent de l'apprentissage du haine. Et le sahabi qui apporte le hadith, c'est Malik ibn Huwayrith. On dit également Ibn al-Harith, al-Layfi. Quand l'imam a un affaire min qawmihi à l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa yatahajjaz li Tabuk, qu'il s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec un groupe de ses compagnons à lui, c'est-à-dire Malik, alors qu'il s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce dernier était en train de se préparer pour la bataille de Tabuk. وكانوا شبابا متقربين فقاموا عنده 20 ليلة. Ils étaient un groupe de jeunes assez proches et ils ont résidé chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à peu près durant 20 jours. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومرهم. Donc il a dit, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était très miséricordieux et très compatissant. Et lorsqu'il a vu que nos familles nous manquaient, il nous a interrogé qui donc avons-nous laissé derrière nous dans notre contrée. Et là, nous l'avons informé. Donc il a dit: retournez vers vos familles et restez auprès d'eux et enseignez-leur et ordonnez-leur. C'est-à-dire d'agir de la sorte. يقول سكن مالك البصرة مات فيها سنة 74 et que Malik il a vécu à Basra et qu'il y est mort là-bas en l'an 74. Donc là on voit encore, malgré tout, qu'ils aient résidé que 20 jours auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont retournés en tant qu'enseignants. À savoir que la da'wa du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une da'wa qui est mubaraka, on en a déjà parlé, qui en peu de temps peut apprendre beaucoup de choses. Qui en peu de temps peut faire que la personne assimile beaucoup de choses. Surtout qu'eux, ils comprennent très vite les paroles du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils connaissent très bien la langue arabe, et le Coran était dans leur langue maternelle, ce qui fait qu'ils avaient une assimilation qui n'était pas comme la nôtre. D'accord? Pour ne pas aujourd'hui que quelqu'un aille auprès d'un savant pendant 20 jours, après il revient, il se dit, je suis un prédicateur. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. طيب ثم يقول في الشرح الإجمالي من الحديث قال يخبر أبو كلابة الجرمي وهو من التابعين أن مالك بن حويرث وهو من الصحابة أتاهم في مسجد لهم في البصرة donc أبو كلابة informe alors qu'il est un tabi'in il informe que Malik ibn Huwayrith qui est un sahabi un compagnon est venu chez eux dans leur masjid à Basra فصلى بهم في غير وقت الصلاة ليريهم كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن التعليم بالفعل أسرع إدراكا وأدق تصورا أو تصويرا وأرسخ في النفس et que qu'il est venu donc dans la mosquée et qu'il a fait pour la salat à une heure qu'il était peur de la salat c'est-à-dire il n'a pas voulu faire la salat pour elle-même mais tout simplement pour leur montrer pour leur enseigner comment le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait la salat car l'enseignement par les actes est plus rapide et plus facile à assimiler et s'ancre mieux dans l'esprit. Et là, ça ne veut pas dire que, en se basant là-dessus, qu'il est permis de se filmer pour pouvoir montrer aux gens comment on fait la salat ou alors se photographier ou réaliser les cas. Là, car là, on a des dalils qui montrent que le taswir, c'est interdit. Et d'ailleurs, les sahaba, ils auraient été dans leur capacité auparavant de faire des dessins s'ils le voulaient. Le dessin existait à leur époque. Il n'y avait peut-être pas d'appareil photo, mais il y avait des dessins. Ils auraient très bien pu dessiner. Faire des formes pour montrer comment faire la salade et l'envoyer à des gens. Mais ils ne l'ont pas fait. C'était dans leur capacité de faire cela. Ils ne l'ont pas fait. Donc le fait de filmer pour montrer, pour dire je vais enseigner aux gens à faire la salade, ça c'est une tariqa qui n'est pas mashroua. Car à la base, le taswir, le fait de filmer ou de photographier, comme vous le savez, c'est interdit. Et si quelqu'un veut vraiment enseigner par les actes, qu'il se déplace, il sorte en darwa et qu'il apprenne aux gens comment faire. Voilà, Kada. D'ailleurs, Shia Ansemin lui-même, qui malgré au début de sa vie, autoriser le taswir pour l'enseignement, on va dire général, c'est-à-dire tout ce qui est muhadara, les conférences, il n'a pas fait de vidéo où il fait la salade pour montrer aux gens comment faire. Pourtant, c'est lui qui dit là, cette parole-là. C'est lui qui l'a dit. Et bien qu'à la fin de sa vie, d'accord, le taswir, il a vu que c'était interdit. Dans l'absolu, à part ce qui était nécessaire et vital comme les papiers et les alikas. Sinon, il l'a délaissé. Et les gens ont pris l'avis qu'ils veulent. Ils ont pris l'avis de ces actes où il le permettait, en disant Charles Samin, il l'a dit, et ils n'ont pas pris son avis final, qui est l'authentique, ou dans lequel il le dit, justement, qu'il lui ne voit pas la permission. Ni photo, ni vidéo, ni rien du tout. Donc, ça, c'est un peu du suivi de passion de la part des gens. Ou comme ces gens également qui connaissent la vie de Cheikh Al-Albani sur le sujet, et mettent sa photo, ils font des comptes Twitter ou des comptes Facebook ou autre, et mettent sa photo. Alors que Cheikh, il a interdit cela. Donc ça, ce n'est pas un amour de Cheikh, c'est même preuve d'amour de Cheikh. Cheikh Al-Albani lui-même l'avait dit. Une fois, il avait été interrogé par un de ses toulab, il voulait verser le thé à ses élèves, et son élève l'a devancé pour le faire. Cheikh Al-Albani, il a dit, non, ne le fais pas, c'est moi qui vais le faire. Et le talib lui a dit, je fais cela, Cheikh, par respect pour toi, et par amour pour toi, par révérence pour toi. Il a dit mon amour, et la révérence que je prends et le respect, c'est en obéissant à mon ordre. Si vraiment tu es comme tu le dis, c'est en obéissant à mon ordre, c'est-à-dire que c'est moi qui vais verser le chéri pour vous. Et vous voulez le faire lui-même. Donc c'est une chose importante à retenir par rapport à ça, de faire attention à ces gens qui apportent des paroles des savants, qui en réalité contredisent ces savants dans leurs paroles qui sont décisives et qui sont claires. Donc on voit, c'est le Yaqul. Donc il leur a montré comment faire la salat. D'accord ? Il leur a montré comment faire la salat. Et il dit justement, lorsqu'il a dit que la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam était comme la salat de votre cheikh un tel, que voici, il a dit « وَكَانَ هَذَا الشَّيْخ كَبِيرًا يَجْلِسُ إِذْ أَرَادَ النُّهُودِ مِنَ السُّجُودِ إِلَى الْقِيَامِ قَبْلَ يَنْهَذَ » Et il a dit justement, ce cheikh, qui était un homme qui était grand en âge, il s'asseyait un temps, c'est-à-dire après la prosternation, il restait un petit temps assis avant de se relever. Donc, le Malik أبو حويلث أبو لونديكي وجون كل النبي صلى الله عليه وسلم فزي سولا. يقول في فوائد الحديث أصل موجود الحديث، يقول حرص الصحابة على نشر السنة كي مونت لابورتونس كو الصحابة دوني أ بروباجي لا سنة. ثانيا استعمال السلوك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى أفهم الناس كي فو تيليزي لا فاصون لا بلو فاسيل كي بيرميت دو بوفوار فير بارفوني لا سيونس أو جون دو لا كومبريهونسيون. Et comme on expliquait, tant que cela reste légiféré, sans innover ou sans transgresser. Sans transgresser. Thalithan, anna cause de ta'lim la yu'athir fi niyat al-ibada. Que le fait d'avoir l'intention d'enseigner ne nuit pas à l'intention de l'adoration. Comme il l'a fait Malik en faisant la salat, il a dit je ne fais pas la salat pour faire la salat en soi, mais pour vous montrer comment faire la salat. Donc cela, ce n'est pas du riya qu'il a fait, car c'est une adoration ce qu'il a fait, pour enseigner aux gens. Pour enseigner aux gens, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait souvent cela. Une chose qu'il fait par ses actes pour montrer aux gens comment faire. Rabi'an mashru'ati al-julus qalilan izana hada min as-sujud ila qiyam. Qu'il est légiféré, légitime, ou légiféré de s'asseoir légèrement lorsqu'on a fait la prosternation, c'est-à-dire la deuxième prosternation, avant de se lever. Wa dhahaba ba'd al-ulama ila anna hayy al-mashru'a ila 'ind al-haja ilayha li-kibr. Li-kibr aw da'f li-anna Malik ibn al-Huwayth innama qaddima وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس هذه الجلسة لكبره أو لكبره فمع هذا الاحتمال لا يثبت مشروعية على وجه الإطلاق والله أعلم. Et il dit par contre que certains ulama eux ont vu qu'il n'est pas légiféré de faire cette assise, cette posture assise qu'on appelle jalsat istiraha, l'assise de repos. Que celle-ci n'est légiférée que lorsqu'il y a un besoin, comme quelqu'un qui serait âgé, qui serait faible, qui serait malade ou autre. Ils disent car Malik ibn Huwaylis, lorsqu'il s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit au début du hadith, lui et 20 de son groupe, il est arrivé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était déjà âgé. Donc il faisait cette assise à cause de cela, car il était âgé et plus faible. Donc il dit, selon le call de ces ulama-là, la part de ces ulama-là, on dit que cette assise, jalsat al-istiraha, n'est légiféré qu'en cas de besoin, sans quoi il ne faut pas la faire. Donc ça, c'est une divergence qui existe entre les ulama. Est-ce qu'on la fait ou est-ce qu'on la fait pas? Non. Wa akada. Fa hada allazi akhadna al-yawm min al-hadith wa alhamdulillahi rabbil alamin.